Exercice 7, page 160. A. Je suis aux abeilles. B. Je suis dans un parc. C. Je suis chez un pote. D. Je suis très exigeante. E. Je suis plus engagée. F. Je suis moins arrangeante.